Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Vous avez peut-être déjà croisé son nom avec sa célèbre expérience, Thomas Young et ses fentes de Young. À la fois médecin, physicien, égyptologue, quelle est sa place dans l'histoire des sciences ? Ce savant britannique de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle n'avait pas ses yeux dans la poche. Prolifique touche-à-tout, il fait des découvertes en médecine, sur l'anatomie de l'œil, contribue à déchiffrer la pierre de Rosette. Et surtout, il est l'un des pionniers de l'optique ondulatoire, avec ses fameuses fentes de Young. Considérée par beaucoup comme l'une des plus belles expériences de la physique, elle est l'un des fondements de la remise en cause de la physique classique. Pour lui, l'idée d'un cloisonnement des sciences peut passer à la poubelle. Thomas Young, option polymath. Camille Fadel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet en histoire des sciences au Palais de la Découverte à Paris. Et nous sommes en duplex de France Bleu, Aix-en-Provence. Nous sommes également avec Olivier Morisseau, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes maître de conférence en histoire de l'optique à l'université Aix-Marseille, membre du centre Gilles Gaston-Granger, et vous êtes en cours d'édition d'un ouvrage sur les travaux de Thomas Young. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture, et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources, de nombreux liens pour compléter votre écoute. C'est tout de suite sur notre fil @sciencesqfd. Alors, quelle est la postérité scientifique de Thomas Young ? Quelle est sa conception de la lumière, quel est le principe de l'expérience des fentes de Young et a-t-il déjà réalisé l'expérience qui porte son nom? Et puis comment a-t-il pris part au déchiffrement des hiéroglyphes? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. On commence par vous dresser le portrait, c'est notre archive du jour en 1961. L'homme qui a découvert le remarquable phénomène des interférences lumineuses, découverte que devait suivre de si profondes recherches sur la nature de la lumière, l'anglais Thomas Young, 1773-1829, apparaît comme un des plus grands esprits qui se soit jamais manifesté au cours de l'histoire scientifique. Il s'illustra non seulement dans les domaines de la médecine et de la physique, mais encore, et il s'agissait pourtant ici de travaux d'un ordre bien différent, dans celui d'une science alors à ses débuts, l'égyptologie. Par l'étendue, la variété de ses préoccupations intellectuelles et par sa manière de s'exprimer, il appartient au XVIIIe siècle, mais par tout ce qu'il fit connaître au début du XIXe, il annonce les savants de notre temps. Il est de ceux par qui une grande époque se prolonge et s'épanouit dans l'époque suivante. L'admirable portrait que Turner a gravé d'après Lawrence nous le montre avec un visage empreint d'une vive noblesse et comme modelé par l'intelligence elle-même. Voilà un extrait de l'émission Collège des ondes en 1961 sur la radiodiffusion française. Camille Fadel, on peut compléter ces présentations et compléter cette archive ensemble. Bien sûr, il faut voir que Thomas Young est un, comme vous l'avez dit, un polymathe. Il s'intéresse absolument à tout, c'est un touche-à-tout, il veut tout faire, il veut faire de la peinture, de la musique. Intellectuellement, il s'intéresse à la médecine, il s'intéresse à la physique, à l'acoustique, à l'optique. Et donc, c'est effectivement un personnage du début du 19e siècle, un peu comme d'autres qui sont des touche-à-tout, qui s'intéressent à tout, mais peut-être il y a une différence entre Young et d'autres qui ont un profil similaire, c'est que Young va, comment dire, il va permettre à beaucoup de domaines de faire des avancées, mais lui-même ne va pas réellement pousser jusqu'au bout chacune de ses contributions, mais il va faire énormément de contributions. Oui, c'est-à-dire qu'on entendait dans cette archive Olivier Morisseau, hein, qui annonce les savants de notre époque, de notre temps. C'est un aspect effectivement assez troublant du travail de Jung, outre le fait qu'ils se sont déployés dans un champ, dans un nombre de champs de problèmes extrêmement vastes, c'est que effectivement à peu près sur tous les sujets qu'il a abordés, il a proposé des solutions, il a proposé des théories qui semblent d'un point de vue moderne étonnamment en avance sur leur temps. Dans les textes scientifiques qu'on continue de manipuler aujourd'hui, dans les théories scientifiques qu'on continue d'utiliser aujourd'hui, on semble pouvoir trouver des échos de propositions qu'a fait Jung à peu près dans tous les domaines qu'il a touchés, c'est-à-dire sur la théorie de l'œil, par exemple, de l'accommodation, de la vision colorée, aussi évidemment. On l'a dit tout à l'heure, dans le domaine de l'optique, mais aussi dans le domaine de la mécanique, de l'acoustique ou du décryptage des hiéroglyphes. Donc effectivement, c'est un aspect très troublant du personnage. L'autre aspect troublant, c'est que assez peu de ces découvertes qu'il a faites sont venues intégrer immédiatement le corpus des savoirs. Il a fallu qu'il soit repris, prolongé, transformé assez massivement par des auteurs souvent au XIXe siècle. Mais lui-même a eu assez de mal à se faire un nom à son époque. Et puis voilà. Camille Fadel, pourquoi en France on parle peu de Thomas Jung ? Peut-être, je ne sais pas, peut-être parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple dans le domaine de l'optique, on y viendra certainement tout à l'heure, il initie des choses surtout. Et ce sont d'autres qui complètent. Et donc là, par exemple, dans le domaine de l'optique, c'est surtout le nom de Fresnel qu'on a retenu. En plus, c'est un français. Pour les hiéroglyphes tout à l'heure, c'est surtout Champollion. Et c'est peut-être pour ça qu'il est, un peu oublié en France. Il n'est pas trop connu. Parce qu'il... Il ne fait pas aboutir les choses, il sème des graines, de très bonnes idées, mais ce sont d'autres qui complètent en fait. Oui, puis côté britannique, il est plus étudié. Pour comprendre un peu le personnage, on peut se retourner sur son enfance, Olivier Morisot. Thomas Jung est né donc le 13 juin 1773 en Angleterre. On connaît certains éléments biographiques car il a écrit son autobiographie à la troisième personne. Que raconte-t-il de son enfance et de ses jeunes années ? En effet, il a beaucoup contribué à l'Encyclopédia Britannica au début du XIXe siècle. Et donc, il a écrit pour cette encyclopédie de nombreux articles biographiques de grands savants. Si bien que, de son vivant, il a préparé l'article biographique qui lui serait consacré dans l'encyclopédie après sa mort. Et dedans, ce qu'il raconte essentiellement de son enfance, c'est... c'est une intelligence précoce, une attirance très précoce aussi pour la lecture, pour les lettres, pour les textes et pour les langues en général. Très vite, il a pratiqué un très grand nombre de langues. Il a lu et il a traduit des textes dans un très grand nombre de langues. Le nombre exact, je ne vous le donnerai pas parce que ce n'est pas exactement mon métier que de faire la biographie de Thomas Jung. Je me suis plus penché sur la technicité de ses textes scientifiques. Mais effectivement, voilà, cette précocité en intelligence et surtout cet intérêt très poussé pour les langues, je pense qu'il n'est pas intéressant de le souligner puisque ça aura un écho... à la fois dans son intérêt pour les théories du son qui anticiperont ces théories de la lumière, mais aussi ça anticipe les travaux qu'il fera dans la deuxième partie de sa vie sur les hiéroglyphes, très certainement. Camille Fadel. Oui, dès son enfance, il est persuadé que ce que quelqu'un peut faire, il peut le faire aussi. Il est très confiant, donc il n'hésite pas à se lancer dans des choses qui, peut-être, auraient dissuadé d'autres. Quand, par exemple, il commence à travailler sur le domaine de l'optique, il n'hésite pas à mettre en cause Newton. Et ça, il l'a depuis dès l'enfance. On va voir comment, justement, il remet en cause Newton et sa vision de la lumière. Pour continuer cette biographie, Olivier Morisot, Thomas Jung, à 19 ans, en 1792, il s'engage tout de suite donc dans des études de médecine. À l'époque, c'est quand même assez fréquent de passer par la médecine. C'est un endroit où on se pose des questions sur la nature, mais aussi en physique. Tout à fait, à la Royal Society, où il va rejoindre des personnes comme Wollaston, qui est lui-même un médecin, où toute l'intelligentsia, tous les grands scientifiques de l'époque, il y a beaucoup de médecins, effectivement, et qui s'autorisent très volontiers à se poser des questions sur autre chose que le corps humain lui-même, mais sur des problèmes naturel, dirait-on. En fait, c'est probablement un des angles sous lequel il n'est pas inintéressant d'envisager les travaux de Thomas Young. On a beaucoup insisté depuis le début sur la diversité des champs disciplinaires auxquels il s'était intéressé. Mais je pense qu'il est intéressant de souligner que, à l'époque, précisément, ces disciplines n'existaient pas et elles relevaient tous d'un questionnement global sur la nature. On ne parlerait pas de physique à l'époque, mais de philosophie de la nature. Et dans cette philosophie de la nature, s'intégraient des questions relativement au fonctionnement du corps humain, mais aussi relativement à ces phénomènes qu'on appellerait naturels, ou météorologiques, ou aujourd'hui qu'on dirait simplement physiques. Ouais. Mais pour lui, tout découle d'un même champ de compréhension de la nature. Hein. Il y a des principes unitaires sous-jacents qui régissent tout ça. Camille Fadel, en fait, quand même, seulement un an après avoir commencé ses études de médecine, à l'âge de 21 ans, il rejoint la Royal Society en 1793 à la suite de ses travaux sur le cristallin et sur l'accommodation. Alors justement, quelle est cette découverte en médecine ? C'est que, alors d'abord, il y a deux découvertes majeures qu'il fait au niveau de l'œil. C'est premièrement, il comprend que l'accommodation, c'est-à-dire la mise au point, quand on veut voir quelque chose net, ça se fait au niveau du cristallin. Parce qu'à cette époque, il y avait des gens qui pensaient que c'est l'œil lui-même qui se déforme. On pensait que l'écran, en quelque sorte, que constitue la rétine sur laquelle l'image doit se former, on pensait que peut-être que c'est cet écran, la rétine qui avance et qui recule, c'est peut-être ça. Il y en a d'autres qui pensaient que le cristallin bouge, avance et recule. Kepler pensait que c'est le cristallin qui avance et qui recule. Il y en a d'autres qui disaient que le cristallin se déforme. Enfin, il y avait d'autres hypothèses. Il y avait des gens qui pensaient que c'est la cornée qui est en train de... La cornée, c'est la partie la plus extérieure de l'œil, la partie que touche l'air, qui est en contact avec l'air. Donc, il y avait beaucoup de théories différentes. Et c'est Young qui, grâce à un certain nombre d'expériences, arrive à montrer que c'est le cristallin qui est en jeu et que c'est la déformation du cristallin, pas le déplacement du cristallin, qui permet de faire la mise au point. Ça, c'est une chose. Et la deuxième découverte qu'il fait, c'est au niveau de l'astigmatisme. Alors, je reviens sur le cristallin parce qu'il se trompe tout de même sur un point. C'est que la déformation du cristallin, il l'attribue à la nature musculaire du cristallin lui-même. Il pense que, en quelque sorte, le cristallin, c'est un muscle transparent, alors qu'en fait, il y a des muscles extérieurs qui déforment le cristallin. Et l'autre chose qu'il découvre, c'est l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est le fait que si je dessine une croix, mettons le signe plus ou le signe de multiplication sur un mur, si vous voyez la barre verticale et la barre horizontale nette, en même temps, les deux sont nets, vous n'êtes pas astigmate. Mais si vous voyez la barre verticale nette, mais la barre horizontale floue, c'est que vous êtes astigmate. Et ça, il l'attribue à un défaut de l'œil, mais il se trompe sur ce point parce qu'il pense que c'est un défaut d'alignement du cristallin. Alors qu'en général, c'est plutôt un défaut de la courbure de la cornée, en fait. Bon, enfin, vous voyez, c'est quand même bien, quoi. Oui, Thomas Young est quand même donc le premier à définir le rôle du cristallin comme un muscle, ce qui permet l'accommodation de la vue. Ça, c'est le sujet de sa première conférence beckerienne en 1800, juste après la fin de ses études. Olivier Morisot, cette conférence de 1800, c'est un peu l'acte de naissance d'une discipline, l'optique physiologique, c'est-à-dire l'union des travaux d'optique des physiciens avec les travaux d'optique des médecins. Oui, c'est vrai, c'est ça qui est tout à fait fascinant dans ce texte. C'est d'autant plus fascinant que c'est un deuxième texte sur un même sujet, c'est-à-dire qu'en 1793, il avait déjà publié un premier texte qui lui avait valu l'intégration de la Royal Society, défendant justement la muscularité du cristallin et donc son rôle dans l'accommodation. Mais assez vite, il avait été embarqué dans une querelle avec un autre scientifique de l'époque, extrêmement éminent, qui réclamer la priorité de cette idée. Donc, premier problème. Deuxième problème ensuite, un autre scientifique extrêmement éminent, Everard Home, croit démontrer, estime avoir démontré que le cristallin n'est pas utile pour l'accommodation. Et pendant 10 ans, on croira et on affirmera, et ce sera l'idée qui sera la plus défendue, que le cristallin est inutile pour l'accommodation. En particulier, ce que montre Holmes, c'est que des patients qui l'auraient opéré de la cataracte, auxquels il aurait enlevé cristallin, sont capables d'accommoder. Et donc, ce qui est assez frappant avec cette conférence de 1801 que produit Jung 8 ans après son premier texte, après justement 10 années pendant lesquelles il avait rétracté son opinion précédemment défendue, eh bien, il revient sur le devant de la scène en redéfendant cette opinion, cette fois-ci avec une batterie d'expériences absolument exceptionnelle et tout à fait brillante. Je vous invite à aller lire le texte qui est vraiment très beau. Et avec une deuxième arme dans sa manche, un deuxième atout tout à fait innovant, c'est l'intégration de considérations physiques et en particulier d'optique géométrique à la résolution du problème de la vision et du problème de l'œil. Alors il s'avère que Descartes, Kepler avaient déjà employé la question de la... Enfin, déjà employé l'optique géométrique pour expliquer le fonctionnement de l'œil, mais il l'avait fait en employant des modèles relativement simples. Et puis, justement, cette question de l'accommodation qui était reprise à la fin du 19e siècle en Angleterre, c'était devenu une question essentiellement d'anatomie, de médecine. Et les textes qui sont publiés à l'époque cherchent le muscle qui permet l'accommodation. Et cette accommodation pouvant être, comme l'a dit Camille, liée à l'allongement de l'œil ou à la courbure de la cornée. Mais Jung intervient là-dedans, redémontre le rôle du cristallin là-dedans, et pour lui amène des preuves qui, pour la première fois, relativement aux preuves qui ont été amenées par le reste de la communauté médicale, des preuves qui sont mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'elles reposent sur des calculs mathématiques géométriques, relevant du formalisme de l'optique géométrique, et que c'est sur la base de ces preuves donc indubitables, extrêmement fortes d'après lui, parce qu'elles sont mathématiques, qu'il défend ses conclusions. Et effectivement, cette démarche est aujourd'hui identifiée, à juste titre, je pense, comme la naissance, l'acte de naissance de l'optique physiologique, donc, c'est-à-dire de cette considération qui est à la base de l'ophtalmique. Voilà, en tout cas pour les premiers résultats importants en médecine. Mais ces apports scientifiques les plus importants arrivent avec la conférence de 1801. Celles sont l'analogie, lumière et son. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Attention, en direct sur France Culture. Et oui, quand c'est rouge, c'est on air. Bonjour, nous sommes en direct avec Camille Fadel et Olivier Morizon et nous parlons d'un savant prolifique, éclectique de l'histoire des sciences. Nous parlons de Thomas Jung. On vient de voir qu'il était jeune, polyglotte, polymathe, polytalentueux. On a vu que ses premières découvertes portent sur l'anatomie et la physiologie de l'œil. Thomas Jung va être un chercheur très important pour comprendre la nature de la lumière. Avant de parler de ses apports théoriques, Camille Fadel, il faut replacer le contexte scientifique de l'époque. On peut peut-être revenir sur les théories de la lumière qui étaient d'actualité au tournant du 19e siècle. Oui, et depuis longtemps, il y avait un débat qui, on va dire pour résumer, qui opposait les gens qui pensaient que la lumière est formée de grains, hein, de très petits grains qui arrivent dans nos yeux et qui provoquent une sensation chez nous. Et puis il y en avait d'autres qui pensaient que la lumière n'est pas formée de grains, mais c'est un phénomène ondulatoire, c'est-à-dire c'est une espèce de vibration qui se propage de proche en proche, qui se transmet de proche en proche. Et ce débat, c'est ce qui a été au cœur des controverses qui ont opposé les partisans de la théorie corpusculaire, les partisans de la théorie ondulatoire. Et c'est à ce moment-là que intervient Jung. Et il faut préciser que quand Jung intervient en 1800, début des années 1800, Newton est mort depuis longtemps. Newton meurt en 1727, et Newton, il était plutôt partisan de la théorie corpusculaire. Et donc à ce moment-là, globalement, la communauté scientifique suppose que la lumière est formée de grains. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Jung. Et Jung intervient en effet dans ce contexte, Olivier Morizot, dans ce contexte où la vision la plus dominante, c'est celle donc de Newton. L'analogie de la lumière est composée de corps matériels, mais Thomas Jung, lui, propose une analogie entre lumière et son qui a déjà été proposée par un autre physicien, le néerlandais Huygens. Tout à fait. Alors, juste pour commencer, on emploie effectivement une distinction souvent entre des théories qui seraient des théories corpusculaires et d'autres qui seraient ondulatoires. Je pense que la terminologie qui est... une terminologie qui est plus intéressante d'utiliser, qui est introduite notamment par Geoffrey Cantor en 1983, c'est la terminologie qui, une terminologie qui permettrait de différencier des théories des projectiles de théorie des vibrations. Parce qu'il s'avère que le problème avec le terme corpusculaire, c'est que les deux théories sont corpusculaires. Il s'avère que la théorie newtonienne qu'a évoquée Camille, effectivement, et les théories qu'elle inspire, reposent effectivement essentiellement sur l'idée qu'il y a des grains de matière qui sont des grains lumineux, qui se propagent à très grande vitesse, qui sont éjectés des corps lumineux. Voilà pourquoi je parle de projectiles. Mais c'est-à-dire que la théorie ondulatoire, un des fondements de cette théorie ondulatoire, et qu'on ne peut pas comprendre, enfin, une théorie qu'on ne peut pas comprendre si on ne... Si on le met de côté, c'est qu'elle est corpusculaire aussi, au sens où cette propagation de vibrations ou d'ondes, elle ne peut pas se faire sans le présupposé de l'existence d'un milieu, d'un matériau qui occupe tout l'espace autour de nous. L'éther. Qui est souvent appelé éther et qui est corpusculaire en fait, qui est corpusculaire. Et les vibrations qui se propagent là-dedans, ce ne sont jamais que des vibrations de ces petits corpuscules qui se choquent les uns les autres ou qui se repoussent les uns les autres. Et ces vibrations vont se propager de proche en proche, effectivement, comme l'a dit Camille, mais dans ce milieu granulaire, corpusculaire. Et effectivement, l'un des premiers à envisager, ou en tout cas à publier des textes sur la question, c'est Christian Huygens en 1690. Mais ces propositions vont être assez vite écarté, car assez radicalement et très efficacement tourné en ridicule par Newton dans son optique, à la fin de son optique au début du XVIIIe siècle. Il avance toute une série d'arguments contre ces théories, en particulier un argument très simple et très fort et qui reviendra pendant tout le XIXe siècle contre cette théorie. C'est l'idée que si la lumière est une onde qui se propage dans un milieu, et bien de la même manière que les autres ondes qu'on connaît, comme le son ou comme les vagues à la surface de l'eau, et bien cette onde, quand elle rencontrera des obstacles, elle devra s'ouvrir derrière l'obstacle et contourner l'obstacle. On peut observer ça dans l'entrée des ports quand ils sont un peu étroits, notamment. On peut observer des vagues qui s'ouvrent, qui semblent se diffracter à l'entrée dans le port, ou simplement on peut faire le constat que derrière un obstacle, on entend les ondes sonores. Et constatant que les ombres sont rectilignes, qu'il n'y a pas de lumière dans l'ombre des corps ou derrière les corps, eh bien, Newton nous invite à accepter en bloc que la lumière ne peut pas être ondulatoire. Et en tout cas, ses lecteurs derrière ramèneront souvent ce sujet sur les questions. Mais voilà, quelques auteurs auront l'audace de reproposer ce genre de théorie au cours du XIXe siècle, comme Leonard Euler, aux alentours de 1750, comme Benjamin Franklin, comme Gawain Knight. Et c'est effectivement en 1800... qu'à son tour, Jung tentera l'exploit de convaincre la communauté essentiellement acquise à la théorie des projectiles ou aux théories des projectiles de basculer sur sa proposition. Voilà, on est dans ce contexte de grande influence de Newton. Et dans cette seconde conférence beckerienne de 1801, Thomas Jung pose donc les bases de sa conception de la lumière. Elle est ondulatoire, Camille Fladel. Alors là, la position de nous, on voit, elle n'est pas totalement nouvelle, mais il va intégrer de nouvelles caractéristiques à son onde lumineuse. Une des choses qui permet à Jung d'imaginer la lumière, de supposer que la lumière est formée, est plutôt un phénomène ondulatoire, il y a une vibration qui est en jeu, ce sont les analogies qu'il fait avec le son. Parce que le son, personne ne discutait de la nature ondulatoire du son. Et on connaissait un phénomène depuis longtemps qu'on appelle les battements. Si vous prenez deux fréquences sonores proches et vous les écoutez en simultané, vous allez entendre une modulation de l'amplitude du mélange des deux. On va voir que le volume augmente, diminue. Et en quelque sorte, on a l'impression que ces deux sons, par moments, s'annulent et à d'autres moments se renforcent. Et donc, sachant que les vagues peuvent se renforcer et s'annuler, si les bosses et les bosses se rencontrent, ça va faire de grandes bosses. En revanche, si les bosses coïncident avec les creux, ça va s'annuler. Ça laisse entendre que si la lumière est est une onde, on devrait également pouvoir obtenir une extinction de la lumière en ajoutant à de la lumière de la lumière. Et ça, c'est effectivement le début de la fin pour, on va dire, la théorie newtonienne de la lumière. Sachant que déjà, au XVIIe siècle, il y avait des gens, Newton lui-même, il avait observé des phénomènes qui étaient très difficiles de les expliquer, même si on y arrive avec des contorsions, des phénomènes où on voit que on obtient de l'obscurité là où on ne devrait pas avoir. Par exemple, ce que disait Olivier à l'instant, on s'aperçoit que l'ombre, en fait, en 1660 et quelques, c'est le père Grimaldi qui montre ça, que l'ombre, en fait, d'un objet n'est pas aussi nette qu'on l'a toujours supposé. On dirait que la lumière bave un peu vers des régions où elle ne devrait pas arriver. Voilà, ce sont ces choses-là qui incitent Young à s'opposer à la théorie des projectiles. Oui, c'est donc l'une des propriétés fondamentales des ondes, c'est leur capacité à interagir entre elles, c'est-à-dire à s'additionner si elles sont en phase ou de s'annuler en cas de déphasage, exactement comme le ferait deux vagues identiques qui se croisent. Olivier Morisot, Thomas Young introduit et précise également la notion de longueur d'ondulation, la notion de longueur d'onde. Tout à fait. Eh bien, donc ce que vous venez de dire, qui est cette propriété essentielle des ondes, hein, eh bien, c'est Young qui le découvre. En tout cas, c'est Young qui la met en avant, non seulement pour expliquer, comme l'a dit Camille, ces phénomènes de battements sonores, mais pour expliquer toute une batterie de mécanismes sonores, de phénomènes sonores aussi. Et puis, une fois qu'il a expliqué certains phénomènes sonores de la sorte, notamment les notes musicales produites par les tuyaux des orgues, eh bien, il estime qu'entre ces notes produites par les tuyaux des orgues et certains phénomènes lumineux, notamment le phénomène des anneaux de Newton, qui est un phénomène lumineux et coloré qui apparaît quand on pose une lentille de surface sphérique sur une surface plane de verre ou sur un miroir, eh bien quand on regarde ce montage depuis le dessus, on voit apparaître des anneaux périodiques, colorés, dont les couleurs ressemblent tout à fait aux couleurs des bulles de savon, par exemple, ou des flaques d'huile qu'on peut observer dans la rue. Et donc, Young estime qu'il y a une analogie forte, étroite, entre ces couleurs périodiques des lames minces, ou des anneaux, ces anneaux de Newton, et les couleurs des tuyaux d'orgue. Et il imagine qu'effectivement, dans l'espace d'air qui se trouve entre la surface bombée de la lentille et la surface plane de la lame qui se trouve en dessous, va se propager l'onde lumineuse. Elle va se réfléchir sur la surface plane, revenir sur elle-même. Et si dans cet aller-retour, dans cet espace creux, enfin dans cet espace vide, au cours de cet aller-retour, elle revient sur elle-même en phase, eh bien, la lumière va être amplifiée. On va voir une frange lumineuse colorée, intense. Et puis, si au contraire, elle revient en opposition de phase, c'est-à-dire que au lieu d'aller de l'avant, l'onde va de l'arrière, eh bien, ces deux ondes réfléchies vont s'annuler et on verra un anneau noir. Et tout simplement, ce qui se joue là pour lui, c'est la possibilité d'estimer la périodicité, la période spatiale de ces ondes, ce qu'on appelle donc la longueur d'onde de la lumière, comme vous venez de l'évoquer juste avant. Et donc pour cela, la seule chose qu'il propose de faire à la Royal Society, c'est de reprendre les données expérimentales proposées par Newton lui-même 100 ans plus tôt, et analysées dans le cadre d'une théorie tout à fait différente par Newton, la théorie des accès en l'occurrence. Donc de reprendre simplement les données expérimentales de Newton, apporter d'autant plus de crédit que c'est Newton qui les a obtenues et qu'elles ont été obtenues dans le cadre d'une autre théorie à l'époque, et de les réinterpréter ces données de manière à extraire tout simplement la longueur d'onde, un concept donc qu'il introduit pour l'occasion, la longueur d'onde des différentes composantes de la lumière colorée, de la lumière visible. Voilà, la longueur d'onde, hein, chaque couleur correspond à une longueur d'onde, et c'est pour ça qu'on observe certains phénomènes colorés. Camille Fadel, rapidement également, parce que là encore, avec l'analogie avec le son, il caractérise la vue trichromatique de l'œil. Oui. Mais avant, je voudrais vous faire entendre. Ah oui, vous si avez possible. Une manipulation. Oui, parce que j'ai un une application sur mon téléphone qui permet de produire des sons de différentes fréquences. Je vais tenter, je ne sais pas si ça va marcher, ça va passer au micro. Je vais choisir deux fréquences différentes, au hasard, hein, une fréquence à 660 Hz par exemple, et une autre, je vais le mettre à 665 Hz, allez, 663 Hz. On va écouter d'abord le 660. On entend ? On entend. Voilà. Maintenant, le 663. Bon. Maintenant, les deux en simultané. Et là, vous allez voir ce qu'on entend par battement. Ce bou-bou-bou-bou qu'on entend, ce sont les battements, justement. Donc, on savait qu'un son peut éteindre un deuxième son. Et ce que se dit Jung, c'est que la lumière ne pourrait pas éteindre de la lumière, ou de lumière plus de l'obscurité. Et maintenant, pour revenir à ce que vous étiez... Merci pour cette démonstration sur les interférences sonores. Et je reviens à ma question, en effet, oui. Sur ces travaux, sur l'aspect trichromatique de la lumière. Eh bien, c'est lié. C'est lié à ce que je viens de vous montrer, parce que on savait depuis longtemps. Parce que là, vous avez vu les battements que je vous ai fait entendre. J'ai produit deux sons, 660 Hz et 663. Et en fait, le nombre de fois qu'on entend les battements par seconde, le nombre de wou-wou qu'il y a par seconde, c'est la différence des deux. Donc 663 moins 660, ça fait 3. Ça fait 3 battements par seconde. Bon. Mais si on commence à écarter les deux fréquences, de sorte qu'au lieu d'avoir 3 battements par seconde, on en ait 10, 20, 30, il peut arriver dans certaines situations où la différence de fréquence des deux sons initiaux, la différence correspond lui-même à un son. Et ça, c'est quelque chose que les gens avaient noté, notamment un violoniste qui s'appelle Tartini. Il parlait du troisième son. En 1714, il fait remarquer que quand il joue deux notes qui sont séparées, qui sont dans un rapport 1,25, donc une des fréquences est 1,25 fois supérieure à l'autre, ce qui correspond pour les musiciens à un intervalle de tierce, et c'est par exemple le cas de Do et Mi, eh bien, il entend la différence, c'est-à-dire il entend le quart comme fréquence. Ça veut dire que il y a un troisième son, une troisième note qui apparaît qu'on n'avait pas injecté à la base. Jung se dit, puisque il y a des notes qui apparaissent à partir de deux notes jouées, le do et le mi, on entend un autre do en fait, il se dit peut-être que c'est pareil avec la lumière et quand avec une couleur et une autre couleur, on peut obtenir une troisième couleur. Et que, finalement, l'œil, finalement le cerveau, d'ailleurs, il est conscient que la notion de couleur est une sensation, que le cerveau participe pour nous donner les sensations colorées, parce qu'il ne peut pas imaginer que dans l'œil, il y ait des centaines, des milliers de détecteurs, chacun pour une couleur. Donc il dit, le nombre de détecteurs doit être très limité, et la manière dont ces trois sont, parce que j'ai dit trois parce qu'il suppose qu'il y en a trois, ces trois détecteurs sont stimulés, nous donnent l'ensemble des sensations du spectre. Ouais, c'est tout comme les battements sonores qu'on vient d'entendre qui forment un nouveau son à l'aide d'une interférence de deux sons. La vision colorée se fait par combinaison de deux sensations dans seulement trois couleurs. Alors en quoi consiste, plus en détail, l'expérience de Jung et qu'a-t-elle apporté dans la compréhension de la nature de la lumière ? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever and ever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Tous en tête pendant toute la durée de la préparation de cette émission Alphaville Forever Young en direct sur France Culture, car nous parlons de Thomas Young avec nos deux invités du jour, Camille Fadel, responsable de projet en histoire de science au Palais de la Découverte à Paris, et Olivier Morisot, maître de conférence en histoire de l'optique à l'université Aix-Marseille, membre du centre Gilles Gaston-Granger. On vient de voir que ce savant du 18e-19e siècle arrive à faire des ponts entre l'acoustique et l'optique, et que c'est ainsi qu'il est amené à penser que la lumière se comporte comme une onde. Son et lumière sont regroupés sous une même bannière, celui de phénomène ondulatoire. Il introduit, on l'a vu, le terme d'interférence lumineuse qui sera ensuite universellement reprise. Camille Fadel, en 1801 donc, il cherche donc à trancher sur la nature de la lumière et il propose donc cette fameuse expérience, l'expérience des fentes de Young. En quoi consiste, quel est le principe de cette expérience si on peut se visualiser le procédé? Alors l'expérience elle est très simple, ça consiste à faire tomber sur un masque, un écran percé de deux fentes très fines et très proches de la lumière. La lumière en tombant sur les fentes va franchir les fentes et va tomber sur un écran d'observation derrière. Si ce sont des projectiles qui arrivent, on s'attend à avoir deux séries de points d'impact de grains de lumière qui arrivent frapper l'écran d'observation. Donc on s'attend à avoir deux bandes verticales. Mais en fait, quand on fait cette expérience, on ne voit pas deux bandes verticales, on voit une série de franges clair-sombre parallèles. Et ça, on ne peut pas l'expliquer avec des projectiles, des balles de mitrailleuse qui seraient en train de d'arriver. Et ce que dit Young, c'est que la lumière qui a franchi la fente de gauche et celle qui a franchi la fente de droite, ces deux lumières ont en quelque sorte bavé au-delà de la frontière des fentes, un peu à droite, un peu à gauche pour chacune des deux lumières. Et il y a un endroit sur l'écran où les deux se sont superposés. Cette superposition fait que par moment, comme nos battements, par moment, les deux ondes se renforcent et on voit des bandes claires. Et par moment, les deux ondes se retranchent. Et on voit à ce moment-là des bandes sombres. Et c'est comme ça qu'il explique les franges d'interférence. Mais ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas sûr en réalité qu'il ait fait cette expérience. Et patatram, au bout de 37 minutes d'émission, on en vient quand même à un paradoxe, Olivier Morisot. C'est qu'en effet, on n'a aucune preuve que Thomas Young ait fait expérimentalement l'expérience des fentes de Young. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, dans son expérience de 1801, en fait, où il introduit le principe d'interférence et sa théorie vibratoire, il se base essentiellement sur des expériences qui ont déjà été faites avant lui. Il réinterprète des résultats expérimentaux essentiellement de Newton. Et justement, il s'appuie sur l'autorité de Newton pour faire valoir la richesse de ces et l'importance de ces nouvelles interprétations. Il faut attendre 1802, 1803 pour qu'il propose de nouvelles expériences de nouveau devant la Royal Society. Et là encore, les expériences qu'il propose, et notamment l'expérience de démonstration de la loi des interférences, c'est comme ça qu'il la nomme. Il faut attendre 1803 pour qu'il la présente. Et ça n'est pas l'expérience des fentes. C'est une expérience de diffraction de la lumière par un obstacle extrêmement fin. Dont on pourrait espérer observer simplement l'ombre sur un écran, ou à la rigueur l'ombre avec des petites, un petit phénomène de bavure sur les côtés, comme l'a dit Camille, phénomène qui pouvait être expliqué dans les théories des projectiles. Mais dans l'ombre, justement, de ce fin obstacle, il observe des franges périodiques, lumineuses et sombres, avec au centre toujours une frange lumineuse. Et il explique comme l'indique Camille, par le fait que la lumière peut contourner justement la lumière par les deux, l'obstacle par les deux côtés et se recombiner pour faire des franges plus lumineuses et ou pour s'éteindre par endroits. Mais donc l'expérience des fentes de Young, à proprement parler, elle se trouve à un seul endroit dans les textes de Young, dans aucun des articles qu'il présente, des conférences qu'il présente à la Royal Society en l'occurrence, mais simplement dans un recueil qu'il va publier en 1807, un recueil de conférences grand public qu'il donnait à la Royal Institution entre 1802 et 1803. Et donc, devant ce grand public, il a effectivement réalisé des expériences d'interférence, mais en l'occurrence, celles dont on est très certain qu'elles ont été réalisées, ce sont des expériences d'interférence de vagues à la surface de l'eau. Il avait une cuve à eau avec un fond transparent. Il mettait dans cette cuve un obstacle avec deux fentes à l'intérieur, enfin à la surface de cet obstacle. Il faisait battre un petit objet à la surface de l'eau, se propageait une vague qui était ensuite redispersée depuis les deux fentes qui avaient été produites dans le masque. Et il observait après ça, après ces deux fentes, les interactions entre les ondes qui avaient été prolongé depuis chacune de ces deux fentes. Et il permettait au grand public d'observer ce phénomène grâce à un système de projection. Il avait mis une chandelle sous son bassin transparent et il projetait sur un écran l'effet de combinaison, d'annulation, d'augmentation, d'amplification de ces ondes. Oui, mais d'expérience avec la lumière, il n'en est pas question dans le résumé de ces conférences. En tout cas, l'expérience, le concept de l'expérience proposée par Jung met en évidence un paradoxe, hein, des corpuscules de lumière qui arrivent en entrée de la manip se comportent apparemment à la fin comme des ondes. Ça, en tout cas, Camille Fadel, le triomphe de l'optique ondulatoire, elle vient pas tout de suite, elle vient plus tard, comme vous l'avez dit, avec Fresnel, le français, 15 ans plus tard, qui lui propose une théorie ondulatoire de la lumière. Oui, parce que Young, ce qu'il fait finalement reste assez qualitatif, ou les calculs qu'il va faire pour expliquer ses résultats expérimentaux, pour rendre compte de ses résultats expérimentaux, restent quand même très simples. Fresnel développe réellement une théorie complète de la lumière en s'appuyant sur donc le caractère ondulatoire, ce que ne fait pas Newton, ce que ne fait pas, je dis tout le temps Newton, ce que ne fait pas l'anti-Newton. Young, Young reste relativement assez qualitatif en fait dans ses explications. Mais une chose, je pense, qui est important, qu'il faut qu'à un moment on en parle, c'est le fait que l'analogie qu'on fait, pas uniquement Young, mais d'autres personnes, entre le son et la lumière, fait que pendant très longtemps, on pense que la lumière est, comme le son, une onde, alors je vais employer un mot qu'il faudra ensuite peut-être expliquer, une onde longitudinale. Alors c'est quoi une onde longitudinale? Vous allez voir, c'est très simple. Si je prends un ressort de, mettons, de 10 mètres de long, imaginons qu'il est devant moi, très souple, je prends l'extrémité du ressort et je pousse ce ressort vers lui-même, comme si je voulais le comprimer. Ce qui va se produire, c'est que on verra une onde de compression voyager d'un bout à l'autre du ressort. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale, parce que la déformation, la compression, se fait horizontalement et la propagation se fait également horizontalement. Alors qu'il y a des ondes comme une corde, si je crée une bosse sur une corde, la déformation est verticale, la propagation horizontale, c'est ce qu'on appelle une onde transversale. Ça va être un élément décisif dans le débat ondulatoire. En attendant, Thomas Young se fait assassiner par les critiques en 1803-1804. Il abandonne tous ses travaux sur la lumière, mais il ne s'arrête jamais. 1799, la pierre de Rosette est découverte. En 1812, il va commencer à essayer de la déchiffrer. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Et vous êtes allé à l'Institut des civilisations du Collège de France pour sonder un de ses manuscrits où il s'attelle au déchiffrement des hiéroglyphes. Et oui, Young possédait des grandes capacités linguistiques, notamment dans les langues anciennes. Il maîtrisait très bien le copte, langue dérivée du démotique, qui elle-même est une écriture cursive des hiéroglyphes. Avant que Champollion ne parvienne à traduire la pierre de Rosette en 1822, Thomas Young, un peu par hasard, s'est lancé dans le défi du décryptage et en 1819, il dévoile pour la première fois la nature duale de l'écriture hiéroglyphique composée à la fois de phonogrammes et d'idéogrammes, un pas décisif probablement lié à sa méthode et son esprit scientifique. Il se trouve qu'il y a des années, j'avais acheté en Égypte ce volume, les œuvres complètes de Young, et il y a un volume qui est consacré, c'est le volume 3, qui est consacré à ses études hiéroglyphiques. C'est publié en 1955. Alors dedans, vous avez sa correspondance. Par exemple, là, vous voyez, il y a une lettre de Sylvestre de Sacy à Young. Alors Sylvestre de Sacy, c'est le grand orientaliste français dans ces années-là, et on est en 1815, à qui Young a envoyé ses travaux et qui lui répond, voilà, en fait, il décrit la méthode de Young. Je conçois assez facilement, monsieur, qu'en comparant le nombre des lignes de l'inscription égyptienne avec celui des lignes de l'inscription grecque, vous ayez d'abord établi au compas, voyez l'expression au compas, c'est-à-dire assez mathématique ou géométrique, pour ainsi dire, des points de rapport approximatif entre les deux inscriptions. Qu'ensuite, ayant égard au retour assez fréquent de certaines formules, donc les études de fréquence, de répétition, vous ayez saisi d'autres rapports plus nombreux, moins équivoques ou presque certains. Que vous ayez même déterminé la valeur de diverses séries de caractères et reconnu leur correspondance avec tel mot ou telle série de mots de l'inscription grecque. Que de là, à l'aide des noms propres, vous ayez fixé la valeur d'un nombre plus ou moins grand de lettres, etc. etc. Donc en fait, on a là une des premières descriptions par un acteur de l'époque de la méthode de Jung, qui est une méthode qui est avant tout la méthode d'un savant. D'un savant, enfin, une approche mathématique, analytique, voilà, exactement. Statistique. Et donc, en fait, Jung, il n'était pas du tout préparé à travailler sur la pierre de Rosette. Cette pierre s'est avérée écrite en trois écritures. Et c'est la première fois qu'on se retrouve devant un monument égyptien qui est potentiellement traduit dans d'autres écritures. Donc il y a la partie supérieure qui est écrite en hiéroglyphe, la partie médiane qui est écrite en démotique, c'est-à-dire une cursive des hiéroglyphes. Voilà. C'est la variation, c'est la déclinaison d'un même texte. Exactement, c'est le même texte. Et donc on a tout de suite compris qu'on avait affaire à quelque chose qui potentiellement pouvait enfin permettre de casser le code des hiéroglyphes sur lequel on s'échinait depuis des siècles. Alors c'est vrai qu'on parle de la méthode de Champollion avec tout son savoir sur le démotique et notamment grâce au nom propre. Quel a été le tour de force, on l'a dit un petit peu, de Thomas Jung pour décrypter sans y parvenir finalement? Alors justement, cette méthode qui consiste à examiner les trois inscriptions parallèlement et à essayer de voir quels étaient les groupes qui revenaient et à essayer de les faire coïncider avec la partie grecque qu'on comprenait. Donc dans la partie grecque, par exemple, vous avez des noms propres qui apparaissent. Vous avez le nom d'Alexandre, le nom d'Alexandrie, vous avez le nom de Ptolémée, qui reviennent, de Cléopâtre, qui reviennent à intervalles réguliers. Et donc, on pouvait essayer de voir quelles étaient les occurrences dans la partie hiéroglyphique et dans la partie démotique qui revenaient avec la même régularité et donc établir comme ça des correspondances. Alors, on a tendance à opposer Jung et Champollion. Jung est aussi quelqu'un qui avait une très grande formation dans les langues anciennes. Il connaissait énormément de langues anciennes, le grec, le latin, l'arabe. Très jeune en plus. Et très jeune, effectivement, c'était un génie. Et du coup, on a souvent tendance à dire « Oui, mais Champollion a déchiffré les hiéroglyphes parce qu'il connaissait très bien le copte. » Alors, c'est vrai, mais Jung aussi connaissait le copte. Et d'ailleurs, quand on regarde les écrits de Jung, et notamment ce qui a été absolument capital dans l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est un article que Jung a publié en 1819 dans le supplément de l'Encyclopédia Britannica. Et là, il décrit, donc il donne le résultat de ses recherches et toutes les équivalences qu'il croit avoir établies entre les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Là, je suis en train de déplier les planches de cet article. Et donc, voilà, il a numéroté comme ça chaque entrée. Donc là, l'entrée numéro 1, c'est God, Dieu. Et dessous, vous avez l'équivalence en copte. C'est-à-dire que Jung aussi utilisait le copte pour essayer de retrouver la valeur phonétique des signes démotiques. Alors, quand on regarde ces planches, on se rend compte, donc, qu'il établit un certain nombre d'équivalences. Je crois qu'il y en a à peu près 200 qui sont établies. Et donc, il y a le mot en anglais, la traduction, on va dire, ou la translittération en copte, et puis le signe en hiéroglyphe et ou en démotique. Voilà. Alors, il lui arrive d'avoir raison. Par exemple, le numéro 1, God, Dieu, Nouti, alors effectivement, en copte qui signifie Dieu ou Nouté. Et puis, vous avez l'étendard qui, en hiéroglyphe, sert à dénoter le mot Dieu, Netcher. Donc là, il a tout à fait raison. Mais si vous regardez après, par exemple, il y a le mot Ptah, c'est la sixième valeur. Ptah, c'est un dieu extrêmement important dans le panthéon égyptien. Eh bien, il donne une valeur qui n'est absolument pas la sienne. C'est la ou, et la ou en égyptien c'est mère, ça veut dire aimer, et ça n'a rien à voir avec le diopta. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont fausses. Alors, il y a à peu près la moitié des équivalences qui sont justes. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ? Ben pourquoi, en fait, c'est que la pierre de Rosette ne permettait pas en soi de pouvoir déchiffrer la clé des hiéroglyphes, c'est-à-dire de pouvoir comprendre la langue égyptienne qu'avait derrière les hiéroglyphes, sa structure, sa grammaire, etc. Il a pu, grâce à des récurrences, identifier des groupes. Vous voulez dire qu'il fonctionnait un peu par itération ? Exactement. Et tantôt ça tombait juste et parfois. Et parfois, effectivement, ça n'était pas bon. Quelquefois, ces équivalences se sont avérées justes, d'autres fois, non. Mais il n'a pas compris comment fonctionnait la langue égyptienne. Et ça, c'est Champollion qui l'a compris. Merci Céline Lozen pour ce reportage. On vient de voir que Thomas Young est un savant connu pour ses travaux en médecine, en physique, en optique, bon, un peu moins connu pour ses talents en linguistique. Camille Fadel, on arrive à la fin de cette émission et on n'a pas fini de parler des autres contributions scientifiques de ce chercheur. Il faudrait plusieurs jours. Young, il a vraiment... Comme on l'a dit tout au début, il s'est intéressé à tout. Il s'est intéressé aux marées, la théorie de les éclipses, les explosions des tuyaux de gaz. Et parmi les choses auxquelles il a encore eu de bonnes contributions, il y a ce qu'on trouve en mécanique, c'est la déformation de la résistance des matériaux. Il y a une grandeur qu'on appelle le module de Young qui vous dit avec quelle difficulté, si je vous donne une tige en plomb, une tige en acier, si je vous demande de tenter d'étirer ces deux tiges, eh ben ça sera plus facile dans un cas que dans l'autre. Et Young montre qu'en fait, il y a une grandeur qu'il définit qu'on appelle le module Young en physique, qui va caractériser le matériau et qui va permettre d'exprimer la difficulté, qui va permettre d'exprimer la rigidité du matériau, en fait. Et puis, une autre contribution qu'il fait et que Laplace va prolonger, c'est dans le phénomène de capillarité. Si vous laissez une goutte d'eau sur... un verre propre, la goutte va s'étaler. Sur un verre sale, la goutte va rester sous forme de goutte. Il s'intéresse à l'angle que fait la goutte par rapport à la surface, la nature de la surface, etc. Mais on voit en effet que Thomas Young est vraiment un grand touche-à-tout avec une approche globale du savoir. Une petite astuce, dans son autobiographie, il décrit sa routine créative. Sa méthode consiste à découper sa journée en créneaux de 2 heures et au bout de 2 heures, il change de sujet de travail. Dans quelques instants, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique Avec Science. Mais merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On retrouve Avec Science et Alexandra Delbo qui nous donne aujourd'hui envie de danser. Pourquoi certains rythmes nous donnent envie de danser ? Ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que les scientifiques ont fait du groove un sujet de recherche à part entière pour tenter de décrire l'universalité de ce phénomène. Alors, il n'y a certainement pas de recette magique. En revanche, il y a quelque chose avec le rythme et sa complexité, et c'est dû aux capacités d'anticipation de notre cerveau. Il s'attend à un certain rythme, et c'est quand tout ne tombe pas exactement dans les temps que le groove naît. C'est la théorie du codage prédictif. Benjamin Morillon est chercheur INSERM à l'Institut de Neurosciences des Systèmes à l'Université Aix-Marseille et dernier auteur de cette étude parue dans Science Advances. C'est une théorie générale du cerveau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que percevoir le monde passivement, on interprète nos sens à partir de ce qu'on sait. Un exemple assez flagrant du codage prédictif, c'est si vous rentrez chez vous, vous connaissez très bien votre salon, vous le voyez tous les jours, vous n'allez pas passer 2 heures à l'admirer parce que vous le connaissez par cœur. Donc vous jetez un coup d'œil, ce que vous percevez, ça correspond à ce que vous avez en tête, tout va bien. Et s'il y a quelqu'un qui a, par exemple, volé votre canapé, vous le détectez instantanément. Parce que il y a un écart, une erreur de prédiction entre vous, ce que vous avez en tête de comment devrait être votre salon et ce que vous percevez devant vos yeux. Et donc, en fait, quand vous écoutez de la musique, naturellement, dans votre cerveau, vous reproduisez le tempo qui est rythmique, qui est périodique. Donc souvent, ça, c'est reproduit aussi par la batterie qui tape très régulièrement. Et si la basse joue avec la batterie, bah, c'est ennuyeux. Mais si la basse, des fois, joue à contre-temps, etc., ben, vous avez tendance à bouger pour produire le son qui ne s'est pas produit au moment du temps. Donc, il y a un écart entre la représentation que vous avez en tête du tempo et ce que vous percevez dans la musique. Et donc cet écart, c'est ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Et c'est ça qui fait qu'on danse. On savait que de nombreuses régions cérébrales étaient déjà impliquées, notamment le cortex moteur, qui porte mal son nom parce qu'il n'est pas uniquement responsable des mouvements, mais du temps. Ce qui était moins clair, c'était l'aspect dynamique, c'est-à-dire quand et où s'active le cerveau et comment communiquent ensemble les aires cérébrales. Donc, l'objectif de cette nouvelle étude est d'analyser cette dynamique de l'activité cérébrale chez 30 participants grâce à de la magnéto-encéphalographie. Une sorte d'IRM, mais qui permet de voir le cerveau s'allumer en temps réel. On ne leur a pas demandé de danser dans la machine, mais de dire quand il et elle en avaient envie. Et donc, évidemment, on leur a fait écouter de la musique. Mais pas d'Aya Nakamura au programme, malheureusement, non. Mais des mélodies, créées de toutes pièces pour contrôler l'ensemble des paramètres. 12 musiques au total, avec de la basse, de la batterie et un tempo identique. Une seule chose varie, le taux de syncope, c'est-à-dire l'irrégularité du rythme. Je vous donne un exemple. Un taux de syncope bas, donc un rythme simple, c'est ça. On passe à un taux de syncope élevé cette fois, c'est ça par exemple. Et entre les deux, on a le niveau moyen. Un taux de syncope médium, résultat c'est celui-ci, le taux de syncope moyen qui groove, qui donne envie de danser. Un savant mélange entre un rythme assez simple pour qu'on le suive facilement et suffisamment imprévisible pour duper notre cerveau et donner envie de taper le temps. Et une région particulière coordonne tout cela. Donc on peut voir vraiment le décours de l'activation. Donc on perçoit le son, il arrive par les oreilles, il arrive dans le cortex auditif, il va activer le long d'une voie qu'on appelle la voie dorsale auditive, les régions motrices. Et après, ces régions motrices prémotrices vont envoyer un autre signal descendant qui va venir moduler l'activité des régions auditives. Et donc, cette communication entre les régions cérébrales, qui se fait de manière dynamique, enfin comme une communication entre humains avec des allers-retours, ça, on peut le voir que grâce à la magnétoencéphalographie, par exemple. Et on a montré, d'une part, que quand ils rapportaient avoir plus envie de danser sur une musique, il y avait en effet plus d'activation dans les régions du cortex dit moteur, même si les gens ne bougeaient pas, des régions prémotrices, motrices. Et surtout, on a mis en évidence que cette interaction entre les régions auditives et motrices lors de l'écoute de la musique, il y a une région clé qui permet la coordination de cette interaction qui ne se situe pas dans le cortex auditif mais qui se situe plutôt dans le cortex moteur. C'est le cortex sensorimoteur. Ce n'est pas une aire cérébrale nouvellement identifiée, on la connaissait déjà, notamment dans le traitement de la parole et c'est le même principe. Quand je parle, j'écoute ce que je dis, il y a donc une communication entre le mouvement de mes lèvres et mon retour auditif. Et donc cette étude vient consolider l'hypothèse d'un cortex sensorimoteur coordinateur. Mais j'entends certains grommeler en disant que cette syncope médium ne les a pas fait groover et c'est normal, les plus fins connaisseurs et connaisseuses ont tendance à aimer davantage la complexité musicale, alors que les tout petits, par exemple, préfèrent les comptines entêtantes et clairement barbantes, rythmiquement parlant. La suite de ces travaux, ce sera donc de cerner sur quels paramètres s'exprime cette variabilité interindividuelle, autrement dit, nos goûts musicaux. Merci Alexandra pour votre chronique et merci de nous faire groover chaque jour. Et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Garance Prima Agnolo, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.